piété. Sincérité qui coule en moi. Mon ami, j'ai trop donné. S'il y a du mal qui coule en moi, j'ai mon cœur, faut pardonner. Ma douce, je te donnerai.